ne crois pas. L'homme qu'on appelle Kidja, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Parce que la France nous a-t-elle abandonné. La vie dans les dômes est devenue ghetto. On court tous après la monnaie. Non, je ne peux pas. Parce que la France nous a-t-elle abandonné. La vie dans les dômes est devenue ghetto. On court tous après la monnaie. Politiciens, prenez vos responsabilités. Vous nous avez parlé de promesses pour nous voir apaisés. Mais les dames se sentent lésées, mais aussi méprisées par une métropole qui nous a tant aimés. Honorez, c'est pourquoi vous vous êtes toujours engagés. Vous êtes la première pierre de l'édifice de la société. Vous nous avez colonisés, maintenant faut tous assumer. Nous faire avancer dans la sérénité. Non, je ne peux pas. Quoi que la France nous a-t-elle abandonné. La vie dans les dômes est devenue ghetto. On court tous après la monnaie. Non, je ne peux pas. Quoi que la France nous a-t-elle abandonné. La vie dans les dômes est devenue ghetto. On court tous après la monnaie. Ils se vendent devant la Guadeloupe, le département d'outre-mer le plus dangereux. Mais moi je lis le malaise dans les yeux de mon peuple et je les vois malheureux. Qui est de toi, les deux hommes sont pas à vous. Sinon dites-moi pourquoi vous ne venez pas vivre avec nous. Respectez votre principe de souveraineté. Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Non, je ne peux pas. Quoi que la France nous a-t-elle abandonné. La vie dans les dômes est devenue ghetto. On court tous après la monnaie. Non, je ne peux pas. Quoi que la France nous a-t-elle abandonné. Dans les dômes devenus ghetto. On court tous après la monnaie. Quand je vois que le malaise s'est propagé à l'échelle nationale et qu'on est tous en danger. Moi je crée pour les hommes qui nous oublient une fois de plus. Qui nous laisse la seule nous donner de quoi manger. Alors monsieur le président, vous étonnez pas que là-bas on vous aime pas. C'est parce que vous ne faites pas ce qu'il faut pour nous sortir de là. Ce qu'il faut. La France nous a abandonnés. La France nous a abandonnés.